allô poteau, t'es où, faut qu'on parle à l'écart des gens. En ce moment le terrain coule, je pourrais pas assumer longtemps. La Madrid tout va bien, je pense à elle, c'est pas ce que tu penses. Non non là c'est pas évident, je revends lasser à ses clients. Pisté par les cops, je suis dans la merde et je sais que tu le sais. J'enchaîne clope sur clope, je repense à toi et je m'en cuis sec. Les portes sont passées mardi, ils ont tout pris, je te l'avais dit. En rigolant ils m'ont dit merci, une salope pour qui l'on se crée, c'est vrai. Si je parle avec toi, c'est parce que j'ai raison. La daronne pleure le soir quand la bac fait ça. Comment dire qu'ils sont tous en garde à vue, t'es le dernier qu'ils ont vu. Mon ref revient et assure, je dois venir et d'enculer la juge. Tu sais ce qui t'attend, tu sais que t'as trop mangé. J'suis dans la zone et j'ai besoin de te parler. Très loin des vacances, l'ennemi sort que les armes. Gros si ça tire, j'ai mes couilles et mon j'vais jamais me rendre, va leur dire. À quoi tu joues, gros ça va jamais se finir. J'fais que tes cauchemars, la nuit j'rêve de m'enfuir. Arrête de faire le sourd, moi j'veux t'aider à t'en sortir. J'en ai marre d'être planqué, je pense à ma mère chaque matin. C'est trop comment elle manque. Parano toujours cloqué, le premier qui bouge le bras. Que je sors en boîte pour oublier. Et toutes ces putes me draguent, elles sentent la maille, aïe. Mais je fais mes bye et bye bye. J'ai plus le moral, le P j'ai pas lâché. Je suis branché sur six. Ils ont pris mes papiers, je peux plus quitter le pays. La plupart de mes proches me disent de me rendre, mais je peux pas obéir. Eh. Ça dit quoi à la cité? Les comptes continuent à déranger. Ils s'éteindront jamais le rinté. Mais les coups ceux qui veulent gratter. Jette un œil sur mon petit rêve d'un billet à la daronne. T'es le sang, on est ensemble jusqu'à la mort. T'en as ma parole. La cavale ça coûte cher, tu sais. Va voir trop l'eau, t'inquiète, il va pousser. Dans tous les cas, je vais pas mourir là-bas. C'est pas Tijuana, je vais m'en sortir. J'ai jamais me rendre, jamais, va leur dire. À quoi tu joues, gros, ça va jamais se finir. Je fais que tes cauchemars, la nuit je rêve de m'enfuir. Arrête de faire le sourd, moi je veux t'aider à t'en sortir. Toujours glauque, le premier qui bouge le bras, que j'en renvoie pour oublier, et toutes ces putes.